Et on va faire ça, c'est-à-dire le fait d'immoler. Mais quand l'Islam a voulu dire ici, malgré le charf, quand le charf qui est Al-Jabir, il voulait dire en vérité le fait d'égorger, mais n'importe quand, pas spécialement pendant le mois de Ramadan, du Rajab. Donc, le hadith qui dit que pour chaque musulman, chaque croyance, il y a Rajabir, le fait d'immoler, d'égorger, sacrifier un mouton pendant le mois de Rajab. Donc, et en vérité, cela aussi, il faut faire partie en vérité des choses qui sont fausses. Car malgré le tasrif d'un grand savant, d'un mouhaddi, hein, mais après le hal, il y a eu donc, énormément de réponses sur cette parole-là de Cheikh Nassar Rahmatullah Ali, donc le mouhaddi de ce siècle, c'est clair. Lakin Allah Azza wa Jal veut que n'importe quelle personne se trompe. Ça, c'est une sunna d'Allah Azza wa Jal, et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il ne faut pas être étonné. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que il a parlé d'erreur de savant, en disant justement que des fois, on voit des erreurs, donc de façon générale, c'est-à-dire, c'est des paroles approximatives, que des fois on voit chez les grands savants des erreurs, qui sont, que même des fois, des gens qui n'ont pas spécialement de sens, savent que c'est une erreur. On ne va pas parler par rapport à ça, là, parce qu'il s'agit de scènes de transmission par rapport à Shahad Bani. Là, c'est difficile. Mais des fois, des erreurs encore plus faciles, qui se rendraient repérables même par des gens qui ont beaucoup moins de science. Allah Azza wa Jalla le fait exprès, ça c'est une sunna sur l'homme, afin que les gens savent que ce ne sont que des humains. Afin qu'Allah Azza wa Jalla ne sache que, hein, nous fasse montrer que ce ne sont que des humains. Et ça c'est une chikma d'Allah Azza wa Jalla sur l'homme. Donc c'est naturel. Il n'y a rien. Il n'y a pas de. Nous on n'est pas des mutaassibin. On n'est pas des gens qui s'accrochent à la personne, même si on l'aime énormément. Non. Erreur, c'est permis. C'est obligatoire. C'est obligatoire qu'il fasse l'erreur. Nabi Sassam, il a dit à Boubacar qu'il s'est trompé. Omar, il s'est trompé sur des sujets. Et il a été rectifié. Et on passe. Alors que dire de ceux qui viennent après? Alors que dire en réalité, à la Kulhel, de ceux qui viennent après? Donc, non. Et par rapport au Bidah, donc le même Nawawi dit par rapport à les deux prières, donc ça, c'est Rajab. Wa Sha'ban, Bidahatan, Kabihatan, Mazmoumatan. Donc la prière de Rajab et de Sha'ban, ce sont deux innovations qui sont dégueulasses, hein, ou bien hein, qui sont en vérité viles, et qui sont réprimandées. Qui sont en vérité donc réprimandées. Et bien sûr, si on parlait à Kulhal aussi, toujours d'être d'enfir, hein, donc le fait par de lever la voix après l'Azan, hein, et de dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu wassalam, hein, as-salam, donc à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait, Allahumma salli ala Muhammad, mais le fait de dire fort. Chacun le dit en vérité, faites-le à la nefusikum, vous le dites que dans vous-même. Il ne faut pas le savoir que vous le dites que pour vous-même, ne vous le dites pas pour tout le monde. Le fait d'élever la voix, après l'Azan, lorsqu'on entend l'Azan et qu'on répète et qu'on va saluer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en levant la voix. Saluer sur le prophète, c'est permis, c'est légiféré, c'est quelque chose d'origine, mais qu'est-ce qui est rajouté? El Moudaf, c'est quoi? C'est quoi qui est rajouté? El Moudaf, c'est quoi? El Idafia, c'est Rafasot, le fait de lever la voix. Donc voilà l'Idafia, voilà les rajouts. C'est permis ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont, c'est-à-dire le fait de lever la voix, donc ça, c'est pas permis. C'est pas en vérité permis. Non. Par exemple. Donc c'est, comme on l'a dit, hein, donc c'est édafiage dans le sens où c'est méchant à l'origine de dire ça va pas, Allahumma salli ala Muhammad, mais c'est interdit dans le comment, ici, dans le comment, dans le comment. Ou bien la même chose, le fait de faire la gaine, par exemple, dans les deux prières de l'aïd. Ou dans les prières de Koussouf. Parce que les Koussoufais, c'est la Koussouf et le Koussouf. Hein? Le Koussouf et le Koussouf, la prière de donc l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Koussouf et le Koussouf. Il n'y a pas d'Aden. As-salatu jami'a, bes. Il n'y a pas d'Aden. L'Aden, c'est légiféré pour les prières prescrites. Et après, lorsqu'on dit As-salatu jami'a, c'est comme ça qu'ils appellent, c'est comme ça qu'il appelait aussi le prophète Sassem. Lorsqu'il appelait les gens, on voit des fois, on entend que le prophète Sassem est d'Aden. Et les gens venaient après leur parler. On voit des salades d'Aden comme ça. Les compagnons sont dans la ville, et donc ils entendent l'Aden et ils viennent. Mais ce n'est pas l'Aden hein, qui est en vérité légiféré, donc le simple que l'on connaît lorsqu'on prie. C'est en vérité le fait de dire Assalat al-Jami'a, venez.